up late, let's drink them bottles, 1, 2, 3. The music's playing, got us bold and wild and free. We're up till the morning and we won't go home. We're living the life we feel we are in the zone. With our hands up high, we party, being wild and free. Yeah, je vois toujours la même mer derrière ces vitres teintées. T'as pas de bord, y'a qu'en amour que t'es resté en indé. Un coup de pelle, j'enterre mes frères, accro à la drogue de synthèse. La police frappe les blancs et les noirs comme pianiste sur le synthé. Dans la street, j'étais pauvre comme un producteur hip-hop. Regarde ce que le rap est devenu, une chorégraphie TikTok. Parfois j'angoisse comme un influenceur sans son portable. Tu veux rentrer au paradis, tapisser sur le portail. Les petits récupèrent le four et ne tirent pas sans raison. Terrain de foot vide, la seule chose qu'on partage c'est le réseau. Les pompes pleuvent et les enfants ne meurent pas par hasard. Pleurer c'est inutile, comme ouvrir une crèche à Gaza. Des fois j'ai donné du courage à des gens qui avaient la peur. Souvent j'ai ouvert ma bouche quand j'aurais dû ouvrir mon cœur. Je t'ai dit l'être humain est mauvais et toi t'as baissé la garde. T'as peur du mauvais œil mais tu vis pour que les gens te regardent. La nostalgie du passé, quand j'imagine le futur. C'est pas fou ni qui est mort, à la Ihma c'est notre culture. Quand j'apprenais au game à chanter, petit t'étais où? J'arrive en terroriste comme ce fils de pute de Netanyahou. Sous-estimé comme la canne, beauté mes frérots de kin. La peufra vient de Berkane, ma pétasse a un birkin. Regarde toujours à travers l'œillet quand la jalousie sonne. Au quartier les frères tombent plus que les feuilles en automne. We stay up late, let's drink them bottles, 1, 2, 3. Et y'a pas besoin de bac. Tu laisses ça comme ça, juste une voix lead. Laisse la pétasse chanter jusqu'au bout. Et t'envoies ça au mix. We're living the life we feel we are in the zone. With our hands up high, we party, being wild and free.